Coucou ma chérie, voilà un secret bien gardé cette fois-ci, hein. En tout cas, je suis heureux de cette idée qui fera que tu pourras toujours entendre tes amis, nos amis de pas mal de pays d'Europe. Et ça sera un très très bon souvenir, mais les jeunes ont besoin de temps en temps qu'on leur laisse la place aussi. Alors moi, je t'embrasse et nous allons continuer de marcher main dans la main en pensant à eux. Chère Marie, c'est moi Christiane et c'est le moment de dire time to say goodbye. Je m'attendais à ta décision depuis un certain temps, mais j'espérais toujours que tu tiendrais encore. Bon, je comprends ta décision. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant chose faite et je tiens avant tout à te remercier pour nos quelques années de collaboration constructive. Tu es une bonne coéditrice de l'EM, compétente, avec une grande expertise et une approche pragmatique au sujet et aux auteurs. Je trouve que ta fiabilité est encore plus importante que tous ces aspects. Tu as toujours été ponctuelle, déterminée, ordonnée, structurée et fiable. En tant que Française très attachée au Maroc, ma description ne ressemble pas du tout à un cliché de laisser-faire à la française, mais surtout à de nombreuses vertus prussiennes. Pour travailler avec des clichés, tu es plus allemande que beaucoup d'Allemands qui ne sont pas leurs. Dans l'EM, tu représentais le côté qui devait avant tout représenter un correctif à notre domination allemande dans Langscape. C'est vrai, en ce qui concerne ta première langue et tes expériences avec le monde scientifique en France, mais beaucoup moins en ce qui concerne ton attitude au travail. Tu es une collègue formidable, fiable, ponctuelle et qui travaille vite. J'ai en tout cas beaucoup apprécié notre coopération. Ton éthique de travail était non seulement très fiable, mais elle l'est restée pendant une longue période. Depuis combien d'années nous connaissons-nous? Je ne me souviens pas exactement. Mais je me souviens du fait que nous nous sommes rencontrés lors de nombreuses réunions et conférences internationales. C'était génial. Parmi les moments forts de ma mémoire, je citerai Istanbul, dans une Turquie qui n'avait pas encore fait l'objet d'une politique négative à l'époque. Angers, avec une conférence pour les lève-tôt, 7 heures du matin je crois, et une belle sortie au restaurant avec Jean-Paul, toi, le couple Messner et moi finalement. Quel plaisir de pouvoir passer une soirée française comme ça. Mais nous nous sommes aussi rencontrés chez vous à Nantes. Paul et moi, nous nous souvenons encore bien de ce week-end, notamment de tes talents extraordinaires de cuisinière. De plus, je me souviens également de plusieurs rencontres à Berlin, à l'université Humboldt et dans différents restaurants lors de soirées très divertissantes. Somme toute, il est bien dommage que ça se termine maintenant. Le plurilinguisme était une autre particularité de nos rencontres, où le français dominait entre nous deux, mais où l'anglais était aussi utilisé comme lingua franca dès qu'il y avait un seul native speaker anglais dans le groupe. L'allemand est toujours resté à un niveau minimum, mais je conclurai mes bons voeux quand même par un « Alles Gute für dich ». Bis zum nächsten Mal. Chère Marie-Françoise, c'est Dagmar de Ziegen. J'aimerais te remercier pour tout ton travail, ta motivation, ton engagement pour Langscape. Et bien avant tout pour le travail dans le journal en ligne de Langscape. En fait, je crois qu'on s'est rencontrés la première fois en été 2011 pour un déjeuner dans le jardin de ta maman. Les enfants ont joué avec le petit chien dans une chaleur insupportable ce jour-là, tandis que Jean-Paul et moi, on a préparé un projet que j'ai ensuite mené avec lui et José. Dans nos mails ensuite, on a toujours demandé comment allait le petit chien. Et un jour, José a envoyé un mail de retour en disant, c'est quoi ça, cette petite question par rapport au chien chaque fois, c'est quoi? C'est vraiment drôle. En 2012, ben aussi pendant nos vacances en France, vous êtes venu nous rendre visite au camping et vous avez profité de la piscine. Ben, même si tu n'es plus dans le bureau éditorial du journal, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en Allemagne ou en France ou ailleurs. De toute manière, pour la nouvelle étape de ta vie, je t'envoie mes meilleurs voeux et à très, très bientôt. Querida Marie-Françoise, cuando pienso en las ocasiones en las que hemos trabajado juntos, no recuerdo tanto lo duro que pudo ser el trabajo como lo agradable que me resultó compartirlo contigo. Permíteme que eche la vista atrás para compartir contigo algunos momentos que he vivido, que hemos vivido juntos, y que me han convencido de tu bondad. El primer recuerdo data del Congreso ACED-LE, celebrado en Nantes, allá por 2011 o 2012. Tú por entonces eras presidenta de la ACED-LE, si mal no recuerdo. En tu cargo de presidenta, dijiste unas palabras en el ayuntamiento con las que quisiste situar la didáctica, o la didactique, en un plano social y político, delante de representantes políticos locales. Te recuerdo algo nerviosa ante tal responsabilidad, te recuerdo humana y humilde. Creo que fue también durante el Congreso ACED-LE de Nantes de 2012 cuando me alojé con Jean-Paul y contigo en vuestra casa. También alojasteis a Mallory y a Claire Cramsch. Recuerdo todas que todos y todas compartimos un momento de paz y de tranquilidad, lejos del mundanal ruido de la universidad, mientras esperábamos que fuera la hora de ir a coger trenes, taxis y aviones. Fue un momento de simplicidad y de tranquilidad que no pensaba que fuera posible compartir con personas tan ilustres. Fue un bonito momento. También recuerdo los días que pasamos juntos en Rabat, allá por 2017, creo recordar. Me encantó ir al zoco contigo y con Jean-Paul, coger el taxi juntos, veros indignados ante un chofer poco honesto. He visto y sigo viendo en ti un modelo de universitaria honesta, humana, pero también exigente y responsable. Y te doy gracias por ello. Bonjour Marie-Françoise, c'est Gabi de l'Angleterre. Je te souhaite une très bonne retraite. Je wünsche dir alles Gute zu der Pensionierung. Merci bien pour tout ce que tu as fait pour Landscape and greetings from Bristol. Chère Marie-Françoise, je te souhaite une excellente retraite et un très bon moment auprès de tes proches, auprès de Jean-Paul. J'ai beaucoup aimé faire ta connaissance pendant toutes ces années. Ta présence était très précieuse. Merci beaucoup pour tout que tu as apporté à moi, à ces domaines de recherche. Je te souhaite, avec tellement de modestie, que tu fais preuve tous les jours hein, de passer hein, des excellents moments très agréables et de nous accompagner encore longtemps au long de ces chemins. Merci beaucoup et à très bientôt, Marie-Françoise. Cher Marie, c'est l'autre qui te parle. Ça fait un bail qu'on se connaît. Je ne sais plus quand c'était, mais je me souviens que j'avais présenté un projet de recherche sur les multilittératies lors d'un congrès, soit à Paris ou à Londres, je ne sais plus, et que tu m'as abordé dans la pause après, parce que le sujet t'intéressait et que tu pouvais envisager d'entamer une coopération. Tu m'as ensuite fait connaître Jean-Paul. Ensemble, on a essayé de dénicher un financement pour un projet de recherche commun à travers un programme binational français-allemand organisé par l'ANR et la DFG. Bon, malheureusement, on n'a pas obtenu ce financement, mais cela ne nous a pas empêchés d'approfondir notre coopération, notamment dans le cadre de Linkscape. Il y avait entre autres des congrès qui nous ont réunis à Bruxelles, à Istanbul, à Londres, à Paris et ailleurs. Une fois, on s'est vu au Danemark, plus précisément à Roskilde, où Jean-Paul et moi avons préparé notre dossier de demande pour le programme de l'ANR. De ce séjour, je garde un souvenir très particulier. C'est une image, celle de vous voir tous les deux, venir à ma rencontre dans un couloir du lieu de congrès, la main dans la main et avec un sourire radieux d'amoureux. C'était touchant et fort sympathique. Je n'ai pas oublié non plus que vous m'avez honoré de votre présence, Jean-Paul et toi, deux fois à Berlin. D'abord dans une petite cérémonie qu'on m'avait offerte à l'occasion de mes 60 ans. C'était une grande et belle surprise pour moi, totalement inespérée. Cinq ans après, lors de ma fête d'adieu à la fac de Humboldt, vous êtes également venu exprès pour moi. Grand merci encore. Aussi en dehors de contexte académique et dans un cadre totalement privé, nous nous sommes vus plusieurs fois, toujours avec Marne. Chez vous, à Nantes, chez nous, entre guillemets, à Coutainville, dans le département de la Manche, et entre les deux à Fougères. À chaque fois, c'était des rencontres fort sympathiques et chouettes. Sans oublier les plats marocains avec lesquels tu nous as gâtés à Nantes et qui sont à tout jamais gravés dans ma mémoire. Non, pas seulement pour ça, je serais super content si on pouvait continuer à se voir. Probablement plus en France qu'en Allemagne, à moins que vous ayez envie de faire un saut à Berlin ou à Hambourg. C'est toujours avec plaisir qu'on vous accueillera. À bientôt alors. Grosse bise, aussi de la part de Marne, Lutz. Bonjour Marie-Françoise and Namaste. How are you? This is just a little message to say a big thank you for knowing you, for all your fantastic travail avec nous in Linkscape and for the greater academic community, and also to wish you a happy lots of time without responsibility so that we can meet either in La Belle France or in London. It would be great. You are an inspiration. Lots of love and hugs to you and your wonderful husband too. Looking forward to seeing you soon. Itesh. Marie-Françoise, what would language pedagogy be without you? A lot more monolingual, I assume. Marie-Françoise, what would Linkscape be without you? A lot more boring, I suppose. Marie-Françoise, what would books and second language education be without your contributions? Much thinner, I guess. Marie-Françoise, what will the research community be without you in the future? Well, a bunch of people who will miss you a lot, and I'm sure about this. Thanks for being a wonderful, inspirational, and multilingual colleague over many years, Marie-Françoise. I wish you all the best for your next life cycle, which will hopefully be very, very multilingual and multicultural. This is Daniela from Frankfurt. Hi Mary, this is Özlem. Now, when I heard that we will be sending messages to you, I was actually very excited and it gave me the opportunity to think about you a lot. Landscape has given me lots of opportunities, but among these, the most valuable one is the opportunity to meet and spend time with people like you. Needless to say, you're a brilliant scholar, a great intellectual, a very strong pen, but above all, you're a colleague and a friend who is very generous and who has lots to offer to people around you. I highly appreciate all your contribution, all your dedicated work to this network. Well, I was thinking about the time we spent together. I was just in Barcelona, in Istanbul, in Roskilde, you know. I was thinking about all these scenes. And I remember that, you know, you were among the very first people to inquire about my health, about my well-being, you know, whenever there's a tragedy like an earthquake or something going wrong in the country. So, I really deeply, you know, just appreciated these. So I remembered those incidents. But there was one particular incident that made me think about it for a long time, actually. I think it was in Barcelona. We were having a conference together, and there I had a presentation. During that presentation, I used a concept or a term which apparently meant different thing to different people. A very natural thing, especially in intercultural communication. So this particular term raised a bit of a dispute, and there were reactions, and I was thinking about it, you know, it's just what I mean by this term and what other people understand with this term. So my mind was busy with that. But during dinner, I remember, you know, it's just the same issue popping up, and people were giving some bit of strong responses. And at that moment, you know, with your gentle eyes, with your gentle heart and gentle voice, you said, "Stop, this is not nice. Let's be kind," you know. These were very simple two words, "let's be kind" and "let's be gentle." And later on, you know, it's just, I kept on thinking about it. And, you know, when I was communicating with my own students, with other colleagues, you know, it's just from Turkey and elsewhere, I thought that stop. I mean, you know, listen to other perspectives and let's be gentle in our approach to people or to certain, you know, concepts, you know. So in that sense, I mean, those two simple words meant a lot to me. I just wanted to use this opportunity to share this with you. Well, in Turkey, you know, it's just we have a very common saying when people are retiring or when people are having a turning point in their lives, you know, we say, yolun açık olsun. Well, the direct translation would be something like have a nice trip, but there's a deeper meaning to it. It means let all roads and paths be open for you. So I'm sure in your retirement dates you will have lots of journeys, well, literal journeys, but at the same time different experiences, and I'm sure you will make best of every opportunity that is open in front of you. Lots of love from my part, you know, hope to see you sometime, you know, in future. Bonjour Marie, c'est Stéphane. Hello Marie, yes Stéphane. Hello Marie, it's Stéphane. As I'm recording this message for you, I'm taking you on a little walk through the area where I live, aiming for a little square not too far away, where in the summer months there is a little wine booth, where people go and buy a bottle of wine, they bring their own picnic and sit in the open to enjoy the warmth and the clear Berlin skies. I very much hope that we will have the chance in the not too far future to sit there together and celebrate the years of friendship and collaboration. And I would like to thank you today for everything that you've done for the Langscape Network, bringing about the publication series and the Langscape Journal together with Christiana, but also for many other things that I had the privilege to experience together with you, putting together the A&R research proposal in Nantes when Lutz and I came to visit and stay in your house, or you being our ombudsperson on the ENRA project. I will miss so many things that you brought to our collaboration. Your even-handed judgment, your empathy, and most of all, your very fine sense of humor. So, Marie, as you're leaving the Langscape Board of Editors, I would like to thank you many, many times for your commitment and time, for your patience and energy, and for all the fun moments that we had together. Thank you so much. And again, I'm looking forward to the day when we'll have that glass of summer wine together on the little square here in Berlin, Friedenau. Bis, Stefan. Liebe Marie-Françoise, hier spricht Jochen aus Berlin. Jetzt inzwischen arbeite ich in Dresden, wie du vielleicht gehört hast. Ich möchte mich ebenfalls mit ganz herzlichen Wünschen der Runde der Gratulanten anschließen und dir alles, alles Gute wünschen für die Zeit deiner Retraite. Ich mache das jetzt einfach mal auf Deutsch, weil ich denke, dass in so einer mehrsprachigen Community wie der unseren auch ein deutscher Beitrag dabei sein sollte. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Begegnungen in Berlin und in Paris und sogar in Istanbul einmal, wenn ich mich richtig erinnere. Es war immer sehr schön, dass du dabei warst. Ich fand deine Beiträge immer sehr wertvoll und klug und ja, wünsche dir jetzt alles, alles Gute für die kommende Zeit, vor allem gesundheitlich. Ich habe gehört, dass du Probleme mit deinen Augen hast und ja, hoffe, dass da alles sich gut entwickelt und ja, auf diesem Wege alles Gute, viele Grüße an dich und an Jean-Paul und hoffentlich auf ein Wiedersehen. Viele Grüße aus Dresden bzw. gerade von der Ostsee von Jochen. Dear Marie, this is Maria González Davis from Barcelona. I had the pleasure to meet you a few years ago at the Pompeu Fabra, where we had our landscape meeting, and Olga Esteva was there and many other landscape members whom I met on that occasion, really. So I would just like to say that it was lovely meeting you. I have some wonderful memories and I wish you all the best for the future. Whenever you come to Barcelona, just drop a line and here we are. Goodbye.